Nous nous sommes précipités dans la ronde des amants, de ceux qui se pressent ou de ceux qui prennent leur temps. Je n'ai pu voir venir que plaisir et désir, pas l'aveugle avenir incertain qui crevait nos destins. Apparu 100 fois mais 100 fois perdu, j'ai enfin pu la trouver, la garder, l'enfermer. Mais il n'est pas de ces jours dont on s'échappe un jour, pour les beaux yeux d'un hasard aperçu dans une gare. Si l'on a pu croire un instant aux prières des amants, à l'amour inscrit dans le marbre ou sur le tronc d'un arbre, je pressens maintenant que ces mots sont fragiles et que nos vies immobiles doivent reprendre leur mouvement. Mais le temps fait pas, tout s'oubliera. Tu me détesteras et tu m'aimeras. Nos amours sont ainsi faits de détours sans retour, et nos sens ne saisissent que les ombres de l'absence. Tu me manqueras, c'est certain, et nos pleurs seront vains à racheter les morceaux brisés de l'ultime amitié. Quand nos corps sans sommeil, que nos âmes se réveillent, qu'il n'y a plus rien sur terre, ni paroles, ni prières, tu comprendras alors que nos roses sont fanées, mais qu'un nouveau printemps fera tout repousser.